Oui, oui, on a réussi, on a réussi. 1 minute 40, top chrono. Nous sommes dans le studio. Les 8 personnes d'avant sont sorties. Pour l'instant, 5 personnes. On est beaucoup aussi dans le studio aujourd'hui. Mais voilà, c'est bien Bulle de Rêve. Bienvenue à tous, donc sur Radio Libertaire, bien évidemment. Comme je dis à chaque fois, ou ailleurs que sur Radio Libertaire, on pourrait parler 2 heures de cinéma d'animation. Plein de monde aujourd'hui. Je vais quand même faire... Je vais quand même vous présenter, vous dire un petit peu... je le ferai après. Déjà, je vais vous présenter les gens qui vont être autour de la table. Beaucoup de monde. Déjà, Jérémy Clapin. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Voilà, qui revient après des années. Il était venu il y a très très longtemps après le Festival d'Auch. Et je ne suis pas sûr que tu sois revenu... Ça remonte depuis, à quand ? Ça remonte à 8 ans, ouais, c'est comme ça. Quelque chose, enfin voilà, qui va venir nous parler de son dernier film Palmipedarium et puis un petit peu de Papy 3D quand même. Donc voilà, et on va avoir alors, pas mal de monde. C'est, je l'ai pas fait exprès, mais c'est les anciens de l'ENSAD en fait qui sont là aujourd'hui. Même si on va peut-être assez peu parler forcément de l'école, on en parlera un petit peu, mais pas forcément énormément. Et avec le collectif Babouchka que je voulais inviter depuis un bout de temps. Alors ils sont beaucoup, donc tout le monde n'est pas venu, mais il y a Anaïs. Alors évidemment il y a que des noms. Je vais me planter. Cora. Alors tu peux bien parler. Dans le micro bien, tu peux prendre le micro avec toi. T'es pas obligé de. Voilà, ils sont. Salut. Donc Anaïs Cora, voilà, qui va venir nous parler tout à l'heure de son film. Angèle Kyodo, donc j'ai commencé par les deux qui ne sont pas là. Et ensuite nous avons, je vais y arriver, Émilie Robin, Pierre Mazingarbe. Salut. C'est bon, donc c'est bon. Et Cerise Lopez, qui était la seule qui n'était pas là, donc voilà. On va parler avec eux de leur film de fin d'études et plus largement donc de ce collectif Babouchka qu'ils ont créé. On va avoir pas mal de temps pour discuter de tout ça avec eux. Bien sûr, Florentine Grelier est là, quelque part, dans les murs. Bien sûr, il y aura une guest, parce qu'il y a toujours des guests à Bulle de Rêve. Donc la guest aujourd'hui, c'est Marine Blin. Voilà, qui est à la Poudrière, qui finit son année, que vous avez déjà entendu ici, qui a fait l'ESSAT. Je pense qu'elle n'est pas venue quand elle a fait l'EMCA, elle vient quand elle fait la Poudrière. Donc voilà. Et Rémi, bien sûr, qui va nous faire l'agenda de l'AFCA. Bonjour. Voilà, dans 30 secondes, juste le temps de vous annoncer que musicalement aujourd'hui, je sais, Bulle de Rêve, vous savez bien, il y a toujours des choses un petit peu bizarres. Donc musicalement aujourd'hui, en fait, on va essayer de rétablir un chat qui est malade. Ok. Vous allez dire qu'est-ce qu'il a encore inventé. Donc il y a un chat que je connais, voilà, quelque part. Enfin, que je connais pas vraiment, mais j'ai entendu beaucoup parler de lui. Un chat qui existe, un vrai petit chat qui est malade depuis 2-3 jours. Donc on va passer que des chansons, que des musiques en rapport avec les chats. Donc on a commencé avec Kiki, la petite sorcière de Miyazaki. Musique de Joe Hisaishi, avec sûrement l'un des meilleurs chats. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on prenne tous les chats et qu'on envoie plein de bonnes ondes comme ça. Là les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, je sais, j'aime bien faire ça. Donc avec Gigi, le chat de Kiki, la petite sorcière, qui est quand même l'un des meilleurs chats du monde. Là on a entendu le générique où c'est lui qui allume la radio. Et voilà, une espèce de côté un peu fou comme ça. Donc c'est un de mes chats préférés. Et tout le reste, ça sera, voilà, il sera question de chat dans ces musiques qu'on aura au fur et à mesure. Et je sais que je veux dire un truc, bien sûr, pour tous nos invités, vous, presque tous, parce que je n'étais pas au courant de tout le monde, enfin, par rapport à Babouchka, mais vous avez le site, vous tapez thewebanime.com, hein, Z, comme Zazie dans le métro, Z, thewebanime.com, et là, vous avez tous les liens pour les invités d'aujourd'hui, vous pouvez voir pendant l'agenda... Palmipedarium, alors non, il n'est pas en entier, mais si, il est en entier, sur le site d'Arte. Alors, je crois qu'il est en entier, mais il est en anamorphosé, ouais, et pixelisé, copie, vraiment, donc vraiment je ne le conseille pas. Mais de toute façon, j'ai mis juste un extrait dans le truc, et vous pouvez voir ce qu'ils aiment, une soirée vertébrale, vous pouvez aller sur leur site, pareil pour Pierre, je suis désolé, Emilie, je n'étais pas au courant, mais vous allez sur Babouchka et vous tombez normalement sur voilà, toutes les infos sur nos invités. Allez, c'est Rémi, et alors là, vous allez assister à un truc un peu exceptionnel. C'est un truc exceptionnel. Vous allez entendre un agenda de Rémi, donc pour l'AFCA. Je ne parlerai pas. Oh, vraiment ? Voilà, je sais. Les gens qui sont habitués se disent c'est pas possible. Si, promis, je ne parlerai pas. Rémi, on t'écoute, tu as à peine 7 minutes 28. Bon, on va faire vite, mais bon, si l'agenda de mars est assez dense pour l'AFCA. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'AFCA, l'agenda de l'AFCA, il est tout nouveau, il est très joli. Donc dans les festivals, on a toujours fait les festivals Image par Image, qui a déjà commencé depuis le 23 février et qui va durer jusqu'au 16 mars dans le Val d'Oise, avec beaucoup de très grands réalisateurs comme Joko Oderman, qui est invité d'honneur, Olka Damian, Walter Tournier, ou encore Benjamin Renner, qu'on avait reçu il y a quelques temps et qui a reçu le César du meilleur film d'animation pour Ernest et Célestine. Je vais pas parler des festivals pour enfants. Il y a la fête de Nîmes surtout, ce qui est pas celle de l'AFCA encore une fois, mais qui est dans le Nord, à Tourcoing-et-Lille, du 14 au 17 mars. Donc il y aura de nombreuses rencontres avec Patrick Bouchard, Georges Elissade, Adrien Ockmann, Joanna Quinn, pardon, et Eric O. Et aussi des masterclass sur Pixar avec des animateurs qui viendront spécialement pour présenter ça. Le festival Cinéco animé aussi à Roanne, donc qui aura pour invité le Canada cette année. Et tu. Tu as fait l'affiche, d'accord. Je ne sais pas. Exact, je remarque ça. Oui. Et donc avec notamment l'exposition Le Laboratoire d'Images qui est coproduite par Autour de Minuit et qui est plutôt sympa. Dans les événements, il y a une rencontre entre autographique et littéraire le mardi 19 à 19h à la Maison des Auteurs de Paris. C'est organisé par la GRAF, les auteurs groupés de l'animation française. Et il y a une exposition en Belgique aussi. Je tiens à préciser à Christé Audou, qui nous écoute peut-être, que j'avais réussi à prononcer le nom de la ville. Elle m'a mis au défi de le faire. C'est Skarbik, dans la banlieue bruxelloise. Ça, on a le temps pour cette exposition-là. Ça commence le 6 mars et ça se finira le 26 janvier 2014. Donc à Maison Autric à Skarbik. Et dans les événements, il y a aussi un événement surprise. Je vais prendre un peu d'avance sur la prochaine émission. Il faut réserver le week-end du 6 au 7 avril pour aller au studio des Ursulines. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas ce qu'il y aura. On n'a pas voulu me le dire. Ah, t'as voulu dire quelque chose, Alexis. Les stages et ateliers. Alors, il y a un stage autour du développement durable pour les écologistes du 4 au 8 mars à Saint-Brieuc en Côte d'Armor, organisé par l'association Le Cercle. Et bon, que ça sera à partir d'objets recyclés, si j'ai bien compris. Le défi des fous d'anime. Je passe à Alexis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc c'est sur Dracula cette année. On ne peut plus participer, mais on peut encore voter jusqu'au 10 mars. Je crois que Florentine est assez bien placée pour gagner, en plus. Et donc, oui, il faut aller sur le site de Foodanime pour ça et avoir un compte. Donc c'est une bonne occasion de s'inscrire. Dans les sorties cinéma, on n'est pas gâté. Il y a un obscur film allemand que personne n'a envie de voir et qui s'appelle Le Petit Corbeau, le 27 mars au cinéma. C'est quand même distribué par GBK Film, c'est juste pour ça que j'en parle. Et je crois que j'ai parlé d'à peu près tous les trucs importants. Est-ce que j'ai du temps encore pour des infos supplémentaires ou je peux m'arrêter oui, là non, quand même, t'as deux minutes du moment que t'as pas parlé du carton de movie. Oui, ça y est, j'en ai pas parlé, ça. Très bien. Après, il y a toujours les concours Ligne de cour jusqu'au 21 juin, donc, qui est organisé par France 3, et Court-circuit, qui est organisé par l'émission Court-circuit que tout le monde regarde. C'est jusqu'au 30 septembre. Et donc, c'est réservé aux films d'animation pour étudiants des écoles belges, françaises et suisses. Je peux peut-être reparler de quelques festivals, du coup, si j'ai un peu de temps. Le concours de court-circuit, c'est toujours l'arnaque, c'est ça? C'est juste un achat, enfin... J'ai pas style, vraiment eu de détails. On en a souvent parlé, hein, c'est un petit peu... Le... Oui, j'en ai parlé. Ils en profitent un petit peu pour se faire du pas mal de... Voilà, de vues sur leur site et souvent c'est assez ridicule au niveau de ce qu'on gagne. Donc voilà, ils achètent ça, mais ils font un achat qui est forcément. Enfin voilà, c'est un petit peu limite comme manière de faire, on va dire. Mais bon. Vas-y, continue. Je vais revenir un petit peu sur les festivals, du coup. Je pensais avoir moins de temps que ça, mais finalement, on va y être. Après, j'ai deux, trois trucs à dire sur les festivals, sur ce que tu as dit, mais vas-y. D'accord. Alors, le festival L'Étoile Filante, c'est aussi Majorstache à Pessac. Il y aura Jean-Claude Rossec et Serge Elissade qui sont invités, donc avec beaucoup d'avant-premières, des films inédits en compétition, des expositions, des animations et ateliers. Les 28e journée du cinéma italien aussi, du 11 au 23 mars, à Espace Magnan à Nice. Il y aura notamment la projection d'un film inédit qui s'appelle Cuccioli, il codice di Marco Polo. J'ai toujours du mal avec les noms étrangers, désolé, de Sergio Manfio. Et il y aura, ça sera projeté le 13 mars à 15h30. Et qu'est-ce que j'aurais d'intéressant? Le Festival Ciné-Poème à Besançon, c'est du 21 au 23 mars. Donc je ne sais pas s'il y a que de l'animation, mais ça sera en tout cas avec beaucoup de poèmes. Okay. Ok. Et je c'est bon crois que j'ai à peu près tout dit. Après, je vais me répéter. Et les mardis de l'anime aussi, donc toujours à l'espace des 26 couleurs à Saint-Fargeau-Pontierry, le 26 mars à 20h, ça sera une rétrospective des Césars. Non, je ne parlerai pas du Cartoon Movie. Qu'est-ce que... Je vais me faire engueuler sinon. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais vu marqué Cartoon Movie. Ah, bientôt, vous allez tous y participer au Cartoon Movie, donc c'est pour ça, c'est... Tu vas en parler. Alors, j'ai vu que Papy 3D, ça cartonnait, puisqu'en effet, Anne-Mont était un âne. Cartonne tellement, il est au César, que j'ai vu que le Salon de l'Agriculture avait mis un âne sur son affiche. Je ne sais pas si c'est fait exprès, normalement, c'est plutôt des vaches ou des choses comme ça, l'âne. Donc voilà, encore bravo. Ouais. À Franck pour ça, hein. Vous allez loin, on va en parler après avec Jérémy. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire deux, trois trucs. J'ai dit que je ne te coupais pas, donc voilà, je ne t'ai pas coupé, j'ai fait bien. Faites de l'animaliser, en effet, à Lille, c'est super intéressant, enfin Tourcoing, ou bah, Lille, c'est super intéressant, il y a pas mal de choses, et Johanna Quinn qui vient, qui est une personnalité super intéressante. Ceux des Ursulines, ça a à voir avec, je pense, hein, comme c'est leurs 10 ans dans l'action éducative pour enfants, et si vous connaissez, si vous êtes sur leur Facebook, hein, Facebook, il y a pas mal de choses. Eh ben, vous voyez une espèce de personnage assez énorme qui vient du Japon, réalisé par un certain personnage qui s'appelle Hayao Miyazaki, un réalisateur, et ils l'ont gardé pendant des années, et là le film ressort, et voilà, je pense que ça a à voir avec donc ce fameux personnage, et on en parlera tout à l'heure. Et voilà, le défi des fous, regardez avec notamment, pas mal de choses qui sont intéressantes, mais aussi, voilà, moi j'aime beaucoup celui de Meule, Gilles Cuvelier, qui dure 30 secondes, mais qui m'a beaucoup fait rire. Et voilà, donc c'est ça. Alors, en attendant nos invités, même si de toute façon on a Jérémy, on va commencer par Jérémy. On va faire une petite coupure, comme d'habitude, juste après. On va continuer dans ces musiques pour chat. Et évidemment, pour soigner un chat, quoi de mieux que sûrement l'une des chansons qui marche le plus. Alors là, Nicolas, vous connaissez par cœur. Il va falloir mettre le deuxième morceau. Si je dis pas de bêtises. Ouais, le deuxième morceau, et on enchaînera sur le troisième morceau. Évidemment, vous allez, si vous connaissez, si vous aimez les chaises, si vous aimez, vous, normalement, vous connaissez cette musique. J'étais entre les deux versions, la version originale du groupe que vous allez entendre, ou la version chantée récemment par un ancien de Massive Attack, Tricky. J'ai finalement gardé la version originale. On écoute. Et on revient juste après pour parler avec Jérémy. Into the sea.